L'Heptaméron des Nouvelles de Marguerite de Navarre, enregistré par Christiane Johann. Première nouvelle. La femme d'un procureur, après avoir été fort sollicitée de l'évêque de C, le prince, pour son profit, et non plus contente de lui que de son mari, trouva façon d'avoir pour son plaisir le fils du lieutenant-général d'Alençon, qu'elle fait quelque temps après misérablement massacré par son mari, lequel, depuis nonobstant qu'il eût obtenu rémission de ce meurtre, fut envoyé aux galères avec un invocateur nommé Galerie, et le tout par la méchanceté de sa femme. Mesdames, j'ai été si mal récompensée de mes longs services que, pour me venger d'amour et de celle qui m'est si cruelle, je m'extrais peine de faire un recueil de tous les mauvais tours que les femmes ont faits aux pauvres hommes et ne dirai rien que pure vérité. En la ville d'Alençon, du vivant du duc Charles, dernier duc, y avoua un procureur, nommé Saint-Aignan, qui avoua espouser une gentille femme du pays, plus belle que vertueuse, laquelle, pour sa beauté et légèreté, fut fort poursuivie de l'évêque de C, qui, pour parvenir à ses fins, entretint si bien le mari que non seulement il ne s'aperçut du vice de sa femme et de l'évêque, mais qui plus est, lui fait oublier l'affection qu'il avoit toujours eux au service de ses maîtres et maîtresses, en sorte que, d'un loyal serviteur, devint si contraire à eux qu'il chercha à la fin des invocateurs pour faire mourir la duchesse. Or, vesquit longuement cet esvesque avec cette malheureuse femme, laquelle lui obéissoit plus par avarice que par amour, et aussi que son mari la sollicitoit de l'entretenir. Mais si est-ce qu'il y avoit un jeune homme en la ville d'Alençon, fils du lieutenant-général, lequel elle aimoit si fort qu'elle en estoit demi-enragée, et souvent s'édoit de l'évêque pour faire donner commission à son mari, afin de pouvoir voir à son aise le fils du lieutenant nommé Duménil. Cette façon de vivre dura longtemps qu'elle avoit pour son profit l'évêque et pour son plaisir le dicte Duménil, auquel elle juroit que toute la bonne chère qu'elle faisoit à l'évêque n'estoit que pour continuer la leur plus librement et que quelque chose qu'il y eût, l'évêque n'en avoit eu que la parole et qu'il pouvait être assuré que jamais homme que lui n'en auroit autre chose. Un jour que son mari s'en estoit allé de vers l'évêque, elle lui demanda congé d'aller au champ, disant que l'air de la ville lui estoit contraire, et quand elle fut en sa mestérie, escribe vite incontinent à Duménil qu'il ne faillisse la venir trouver environ 10 heures du soir, ce que fait le pauvre jeune homme. Mais à l'entrée de la porte trouva la chambrière qui avoit accoustumé de le faire entrer, laquelle lui dit « Mon ami, allez ailleurs, car votre place est prince. » Et lui, pensant que le mari fut venu, lui demanda comme le tout à loi. La pauvre femme, ayant pitié de lui, voyant tant beau, jeune et honnête homme, aimé si fort et être si peu aimé, lui déclara la folie de sa maîtresse, pensant que, quand il l'entendroit, c'est là le chastiroi d'aimer tant, et lui conta comme l'évêque de C ne faisoit que arriver, et estoit couché avec elle, chose à quoi elle ne se attendoit pas, car il ne devait venir jusque au lendemain, mais, ayant retenu chez lui son mari, s'estoit dérobé de nuit pour la venir voir secrètement. Qui fut bien désespéré, ce fut Duménil, qui encore ne le pouvoit de tout croire, et se cacha en une maison auprès, et veilla jusque à 3 heures après minuit, tant qu'il vint essayir les vesques que là-dedans, non si bien desguisé qu'il ne le connaisse plus qu'il ne le vouloit. Et en ce désespoir se retourna à Alençon, où bientôt sa méchante amie alla, qui, le cuidant abusé, comme elle avoit accoustumé, vint parler à lui. Mais il lui dicte qu'elle estoit trop sainte, ayant touché aux choses sacrées, pour parler à un pécheur, comme lui, duquel la repentance estoit si grande qu'il espérait bientôt que le péché lui serait pardonné. Quand elle entendit que son cas estoit découvert, et que excuse, jurement et promesse de plus n'y retourner ne servoit de rien, en fait la plainte à son évêque. Et, après avoir bien consulté la matière, vint cette femme dire à son mari qu'elle ne pouvait plus demeurer dans la ville d'Alençon pour ce que le fils du lieutenant, qui la voit tant estimée de ses amis, la pourchoissoit incessamment de son honneur et le pria de se tenir à Argentan pour ôster toute suspicion. Le mari, qui se laissa gouverner par elle, s'y accorda, mais ils ne furent pas longuement au dicte argentan que ceste malheureuse manda au dicte du Ménil qu'il estoie le plus méchant homme du monde et qu'elle avoie dicte bien ceux que publiquement il avoie dicte mal d'elle et de l'évêque de C, dont elle m'ectroie peine de le faire repentir. Ce jeune homme, qui n'en avoit jamais parlé que almesme et qui craignoit d'être mis en la malgrâce de l'évêque, s'en alla à Argentan avec deux de ses serviteurs et trouva sa damoiselle à Vespres, aux Jacobins. Il s'en va à genouiller auprès d'elle et lui dit « Madame, je viens ici pour vous jurer devant Dieu que je ne parlais jamais de votre honneur à personne du monde que à vous-mesme, et vous m'avez fait un si méchant tour que je ne vous ai pas dicte la moitié des injures que vous méritez. Et s'il y a homme ou femme qui veuille dire que jamais j'en ai parlé, je suis ici venu pour l'en démentir devant vous. » Elle, voyant que beaucoup de peuple estoie en l'église et qu'il estoie accompagné de deux bons serviteurs, se contraignit de parler le plus gracieusement qu'elle peut, lui disant qu'elle ne faisoit nul doute qu'il ne dise vérité et qu'elle l'estimoit trop homme de bien pour dire mal de personne du monde et encore moins d'elle qui lui portoit tant d'amitié. Mais que son mari en avoit entendu des propos, par quoi elle le prioit qu'il voulût dire devant lui qu'il n'en avoit point parlé et qu'il n'en croyait rien, ce que lui accorda volontiers, et pensant l'accompagner à son logis, la print par-dessous le bras, mais elle lui dit qu'il ne serait pas bon qu'il vînt avec elle, et que son mari penserait qu'elle lui fait porter ses paroles. Et, en prenant un de ses serviteurs par la manche de sa robe, lui dit « Laissez-moi, cestuici, et incontinent qu'il sera temps, je vous envoierai quérir par lui, mais en attendant, allez vous reposer en votre logis. » Lui, qui ne se doutait point de la conspiration, s'y en alla. Elle donna à souper aux serviteurs qu'elle avoit retenus, qui lui demandoit souvent quand il serait temps d'aller quérir son maître. Elle lui respondoit toujours qu'il viendroit à ses toasts. Et quand il fut nuit, envoya un de ses serviteurs secrètement quérir du Ménil, qui, ne se doutant du mal qu'on lui préparoit, s'en alla hardiment à la maison du dicte Saint-Aignan, auquel lieu la damoiselle entretenoit son serviteur, de sorte qu'il n'en avoit que un avec lui. Et quand il fut à l'entrée de la maison, le serviteur qui le menoit lui dit que la damoiselle vouloit bien parler à lui avant son mari et qu'elle l'entendoit en une chambre où il n'y avait que un de ses serviteurs avec elle et qu'il ferait bien de renvoyer l'autre par la porte de devant, ce qu'il fait. Et, en montant un petit degré obscur, le procureur Saint-Aignan, qui avoit mis des gens en embûche dans une garde-robe, commença à oir le bruit et, en demandant qu'est-ce, lui fut dit que c'estoit un homme qui vouloit secrètement entrer en sa maison. À l'heure, un nommé Thomas Guérin, qui faisoit mestrier d'être meurdrier, lequel, pour faire cette exécution, estoit loué du procureur, vint donner tant de coups d'épée à ce pauvre jeune homme que, quelque défense qu'il puisse faire, ne se peut garder qu'il ne tombasse mort entre leurs mains. Le serviteur qui parloit à la damoiselle lui dit « Je vois mon maître qui parle en ce degré, je m'envoie à lui. » La damoiselle le retint et lui dit « Ne vous souciez, il viendra à ses toasts. » Et peu après, oyant que son maître disoit « Je meurs et recommande à Dieu mon esprit », le voulut aller secourir, mais elle le retint, lui disant « Ne vous souciez, mon mari le chastit de ses jeunesses, allons voir que c'est. » Et, en s'appuyant dessus le bout du degré, demanda à son mari « Et puis, est-il fait ?» Lequel lui dit « Venez le voir. À cette heure, vous ai-je vengé de cestui-là qui vous a tant fait de honte. » Et, en disant cela, donna d'un poignard qu'il avoit 10 ou 12 coups dedans le ventre de celui que, vivant, il n'eût osé assaillir. Après que l'homicide fut fait, et que les deux serviteurs du trespassé s'en furent fouises pour en dire les nouvelles au pauvre père, pensant le dicte Saint-Aignan que la chose ne pouvait être tenue secrète, regarda que les serviteurs du mort ne devoient point être creuses en témoignage, et que nul en sa maison n'avoit vu le fait, sinon les meurdriers, une vieille chambrière et une jeune fille de 15 ans. voulut secrètement prendre la vieille, mais elle trouva façon d'échapper hors de ses mains et s'en alla en franchise aux Jacobins, qui fut le plus sûr témoin que l'on eût de ce meurtre. La jeune chambrière demeura quelques jours en sa maison, mais il trouva façon de la faire suborner par un des meurtriers et la mena à Paris, au lieu public, afin qu'elle ne fût plus creux en témoignage. Et pour sceller son meurtre, fait brûler le corps du pauvre trespassé. Les os, qui ne furent consommés par le feu, les fait mettre dans du mortier, là où il faisoit bastir en sa maison, et envoya à la cour en diligence demander sa grâce, donnant à entendre qu'il avoit plusieurs fois défendu sa maison à un personnage dont il avoit suspicion qui pourchoissa le déshonneur de sa femme, lequel nonobstant sa défense estoit venu de nuit en lieu suspect pour parler à elle, par quoi, le trouvant à l'entrée de sa chambre, plus rempli de colère que de raison, le roi tué. Mais il ne peut sitôt faire despêcher sa lettre à la chancellerie que le duc et la duchesse ne fussent par le pauvre père advertis du cas, lesquels, pour empêcher cette grâce, envoyèrent au chancelier. Ce malheureux, voyant qu'il ne la pouvait obtenir, s'enfuit en Angleterre, et sa femme avec lui, et plusieurs de ses parents. Mais, avant partir, disent au meurdrier, qui à sa requête avoit fait le coup, qu'il avoit vu l'être express du roi pour le prendre et faire mourir. Mais, à cause des services qu'il lui avoit fait, il lui vouloit sauver la vie, et lui donna 10 excuses pour s'en aller hors du royaume, ce qu'il fait, et onc puis ne fut trouvé. Ce meurtre ici fut si bien par vérifié par les serviteurs du trespassé que par la chambrière, qui s'estoit retirée aux Jacobins, et par les os qui furent trouvés dedans le mortier, que le procès fut fait et parfait en l'absence de Saint-Aignan et de sa femme. Ils furent jugés par contumace et condamnés tous deux à la mort, leurs biens confisqués au prince et 1500 excuses au père pour les frais du procès. Le duc de Saint-Aignan, estant en Angleterre, voyant que par la justice il estoit mort en France, fêtant par son service envers plusieurs grands seigneurs et par la faveur des parents de sa femme, que le roi d'Angleterre fait requestre au roi de lui vouloir donner sa grâce et le remettre en ses biens et honneurs. Mais le roi, ayant entendu le vilain et énorme cas, envoya le procès au roi d'Angleterre, le priant de regarder si c'estoit cas qui mérita cette grâce, lui disant que le duc d'Alençon avoit seul ce privilège, en son royaume, de donner grâce en sa duché. Mais, pour toutes ses excuses, n'apaisa point le roi d'Angleterre, lequel le prochassa si très instamment qu'à la fin, le procureur l'eust à sa requête, et retourna en sa maison, où, pour parachever sa méchanceté, s'acquainta d'un invocateur nommé Galerie, espérant que par son art, il serait exempt de payer les 1500 excuses au père du trespassé. Et pour à cette fin s'en allèrent à Paris, déguisés, sa femme et lui, et voyant sa dicte femme, qu'il estoit si longuement enfermé en une chambre avec le dicte Galerie, et qu'il ne lui disoit point la raison pourquoi, un matin elle espia, et vint que le dicte Galerie lui monstroit 5 images de boys, dont les 3 avoient les mains pendantes, et les 2 levées contre mont, et parlant au procureur, il nous faut faire de telles images de cire que ceux-ci, et celles qui auront les bras pendants, que seront ceux que nous ferons mourir, et ceux qui les ont eslevés seront ceux dont vous voudrez avoir la bonne grâce et amour. Et le procureur disoit, ceste-ci sera pour le roi, de qui je veux être aimé, et ceste-ci pour mon seigneur le chancelier d'Alençon Brinon. Galerie lui dit, il faut mettre ces images sous l'autel, où ils auront leur messe, avec des paroles que je vous ferai dire à l'heure. Et, en parlant de ceux qui avoient les bras baissés, disent le procureur que l'une estoit maître Gilles Duménil, père du trépassé, car il savoit bien que, tant qu'il vivroit, il ne cesseroit de le poursuivre. Et une des femmes qui avoit les mains pendantes estoit madame la duchesse d'Alençon, sœur du roi, parce qu'elle est moi tant ce vieil serviteur, et avoit en tant d'autres choses, qu'engueux sa méchanceté, que, si elle ne mourroit, il ne pouvoit vivre. La seconde femme, ayant les bras pendants, estoit sa femme, laquelle estoit cause de tout son mal, et se tenoit sœur que jamais ne s'amenderoit de sa méchante vie. Quand sa femme, qui voyait tout par le pertuis de la porte, entendit qu'il amectoit au rang des trespassés, se pensa qu'elle y envoiera le premier, et feignant d'aller emprunter de l'argent à un sien oncle nommé Nofle, maître des requêtes du duc d'Alençon, lui va conter ce qu'elle avouait et oï de son mari. Le duc de Nofle, comme bon vieillard serviteur, s'en alla au chancelier d'Alençon et lui raconta toute l'histoire. Et pour ce que le duc et la duchesse d'Alençon n'estoient pour le jour à la cour, le dict chancelier alla conter ce cas étrange à madame la régente mère du roi et de la dicte duchesse qui soudainement envoya quérir le prévôt de Paris nommé Labarre, lequel fait si bonne diligence qu'il prend le procureur et galerie son avocateur, lesquels sans gêne ni contrainte confessèrent librement le dep et fut leur procès fait et rapporté au roi. Quelques-uns, voulant sauver leur vie, lui dirent qu'ils ne cherchoient que sa bonne grâce par leurs enchantements, mais le roi, ayant la vie de sa sœur aussi chère que la sienne, commanda que l'on donnât la sentence telle que s'ils eussent attenté à sa personne propre. Toutefois, sa sœur, la duchesse d'Alençon, le supplia que la vie fût sauve au dict procureur, et commuait sa mort en quelque peine cruelle ce que lui fut octroyé, et furent envoyés, lui et Galerie, à Marseille, aux galères de Saint-Blanchard, où ils finirent leurs jours en grande captivité, et eurent loisir de reconnoître la gravité de leurs péchés. Et la mauvaise femme, en l'absence de son mari, continua son péché plus que jamais, et mourut misérablement. Je vous supplie, mesdames, regardez quel mal il vient d'une méchante femme, et combien de maux se faire pour le péché de ceste-ci. Vous trouverez que depuis que Ève fait pécher Adam, toutes les femmes ont prince procession de tormenter, tuer et damner les hommes. Quant à moi, j'en ai tant expérimenté la cruauté que je ne pense jamais mourir ni être damné que par le désespoir en quoi une m'amaise, et suis encore si folle qu'il faut que je confesse que cet enfer-là m'est plus plaisant venant de sa main que le paradis donné de celle d'une autre. Par l'amante, feignant n'entendre point que ce fût pour elle qu'il tenoit à tel propos, lui disent « Puisque l'enfer est aussi plaisant que vous dictes, vous ne devez craindre le diable qui vous y a mis. » Mais il lui respondit en colère « Si mon diable devenoit aussi noir qu'il m'a été mauvais, il fera autant de power à la compagnie que je prends de plaisir à la regarder. Mais le feu de l'amour me fait oublier celui de cet enfer, et pour n'en parler plus avant, je donne ma voix à madame Oisil pour dire la seconde nouvelle, et suis sûre que, si elle vouloit dire des femmes ce qu'elle en sait, elle favoriserait mon opinion. » À l'heure, toute la compagnie se tourna vers elle, la priant vouloir commencer ce qu'elle accepta, et en riant, commença à dire « Il me semble, mesdames, que celui qui m'a donné sa voix a tant dicté de mal des femmes par une histoire véritable d'une malheureuse que je dois remémorer tous mes vieux ans pour en trouver une dont la vertu puisse démentir sa mauvaise opinion. Et pour ce qu'il m'en est venu une, au-devant, digne de n'être mise en oubli, je la vous vais conter. » Fin de la première nouvelle.